m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Ah, ça fait plaisir là de revenir avec Gilbert qui est revenu après 15 jours de vacances de plus. Hein, dans 3 jours, tu repars. J'étais là, je te souviens. Non, mais attends, t'es parti 15 jours au Gabon, tu reviens 3 jours, tu repars 15 jours en Afrique du Sud, tu reviens 3 jours, tu pars 15 jours à Saint-Nom-la-Bretèche, tu reviens 3 jours. Ça, c'est la belle vie quoi. Franchement, bravo quoi. Même Jeannot Rességuier, il a pas des plages pareilles. Mais bon, en même temps, lui, je sais pas, plus personne n'écoute. C'est quand son émission? C'est le dimanche, le mardi? Ouais. Dimanche matin, vendredi après. Tu nous as fait gagner un super truc tout à l'heure, le Drive, c'est ça? Le jeu, c'était pour gagner Drive et t'avais mis un joueur dedans. J'ai pas compris pourquoi t'avais mis Brandao. Parce qu'on a une histoire qui se passe dans une voiture avec un petit peu de suspense. Avec un petit peu de suspense, un petit scénario sympa. Dont on aura le verdict bientôt, c'est quand même Brandao quand même. Bon. Brandao d'ailleurs qui devrait jouer Fifi dans on la prochaine. On aurait pu mettre Dalmat aussi. On aurait pu mettre Dalmat et Godwin Okpara. D'ailleurs, il paraît qu'ils vont tous. Et Milan Taros. Ah oui, c'est vrai. Et même Karim Benzema avec son pote, le rappeur. Vrai, c'est vrai. Ah, t'aurais pu faire un super film, Drive. Bad Drive. On a gagné toute la semaine, donc dès demain. Ouais. Philippe est parti. C'est dommage que je lui proposais que Brandao joue dans la prochaine équipe de Harry Redknapp, là, parce qu'ils vont finir à Santé, tous les deux. À la Santé, pardon. Le FC de la Santé. Puisqu'à mon avis, vu les projets qui se passent, ils vont avoir une belle équipe de foot, hein, la Santé, quoi. Ou je sais pas, ça peut être le FC Fren ou le Bayern de Zing Zing, mais à mon avis, ça va faire mal. Valbuena, on a parlé du livre de Valbuena, c'était sympa. Son livre, c'est un parcours du combattant. C'est assez poignant de sa formation quand il jouait dans une équipe de Subutéo, à son arrivée à l'OM. Sa première voiture, une Burago, sa première maison. Il a vécu 2 ans dans le château de Skeletor, récupéré dans une brocante. Et comment il s'est musclé en faisant des longueurs dans sa baignoire. Enfin, un très beau livre. Et c'était très émouvant. Franchement, moi, ça m'a beaucoup plu. Sacré Valbuena. Fifi nous a appris que Joe Cole trouve très sympa qu'il y ait un kidam sur le bord de la pelouse, parce qu'ils ont pas ça en Angleterre. Mais ce qui est un dingue, c'est qu'il hallucine pas qu'il y ait des kidam sur la pelouse dans les équipes d'en face, quoi. C'est le truc que t'as pas en Angleterre. T'as des potes, des clowns, des mecs en face. Ça pourrait être ton beau-frère. Ils sont là, ils jouent, quoi. Ils jouent dans les équipes. Et puis Fredo, tu nous as demandé de rendre hommage à un peintre. Tapias qui est mort en Espagne, c'est triste. Nous en Ligue 1 on en a plein des peintres, mais ils sont hyper vivants, ils sont bien vivants, ils sont là toutes les semaines, malheureusement on aimerait leur rendre hommage, mais ils sont là. Laurent Blanc, alors Noël Le Graët a dit il faut en finir avec France 98, et là je suis très mal à l'aise. Et là je pense à Bernard Diomède sur ses foot, à Franck Leboeuf au théâtre. Avec sa pièce, bon, je voulais aller voir sa pièce, l'intrus. Ça s'appelle l'intrus, sa pièce. Hein. C'est-à-dire que le mec, il a décidé de faire une pièce sur sa vie en équipe de France. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas aller le voir. Moi, j'ai mon beau-frère qui voulait acheter une piscine à Stéphane Guivarche. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fait pas? Hein? Il va se baigner directement en Bretagne? Moi, je crois surtout que Le Graët à Laurent Blanc. Il veut pas lui faire une prolongation parce qu'il sait très bien qu'en Laurent Blanc, dans la prolongation, il va lui mettre le but en or et puis voilà, il va encore l'avoir dans l'os. Non, je crois qu'il faut surtout en finir avec l'en avant de Guingamp. Hein. Définitivement, tous les gens qui sont dans l'en avant de Guingamp, faut les virer, Le Graët et compagnie, les Domenech, tous ces charlots qui habitent dans ce coin-là, le village d'Astérix. Le froid, le grand ennemi hein, du foot français, puisque le problème, c'est les pelouses praticables. Moi j'ai bien regardé, hein, il y en a quand même qui n'ont pas les pieds praticables depuis un bon moment, et c'est surtout ça le problème en France, et notamment à Auxerre, dont on ne sait pas trop si on confond un peu la température, le goal average, enfin, tout est en dessous de -10 quoi, et c'est un petit peu chaud, et Gérard Bourgoin qui déplore une chose par rapport à ses joueurs, il dit nos joueurs baissent les bras dès qu'ils prennent un but. Mais t'as raison Gérard, ils vont lever les bras tes joueurs s'ils prennent un but, c'est beaucoup plus logique. T'imagines les mecs qui lèvent les bras, ouais on a pris un but, évidemment que tu baisses les bras. Il y a que Valbuena, lui ça lui change rien, il lève les bras, il a les mains plus bas que les épaules, c'est hyper balèze à faire d'ailleurs. Mais bon, ben voilà, quoi, évidemment, sinon, enfin bref, Gérard Bourgoin il est bizarre. Mais en même temps, je vais te dire un truc, c'était bizarre parce que, rappelle-toi la semaine dernière, les Auxerrois ils sont sortis sous escorte policière. Et c'est quand même très bizarre, c'est que tu t'y attends pas pour les Auxerrois, en général il faut être au Bayern ou au Real pour sortir avec une escorte. Et voilà, pour les Auxerrois ça change un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a Fred? Ça te rappelle les vieux souvenirs? Alors, Bordeaux, alors, on s'en fout, ils ont battu Toulouse. Et Toulouse, malgré le retour de son buteur, Emmanuel Rivière. Alors, Emmanuel Rivière, j'ai l'impression qu'il se cherche surtout au niveau capillaire, Emmanuel Rivière. Sa coiffure, c'est un mélange entre Michael Jackson et les Milli Vanilli. Et, Michael Jackson, période I'm Bad. Parce que I'm Bad, c'était une chanson, alors que Je suis mauvais, c'est une philosophie de jeu chez Emmanuel Rivière. Et son pote Étienne Capot aussi, qui s'est fait des afros avec une espèce de mèche blanche. On dirait qu'il a été pris en grippe par un pigeon dans son quartier et que visiblement il ne veut pas le lâcher. Hein. Et puis le bilan de Lucho González. Alors Lucho, bon, c'est tous le vrai problème. Hein. Lucho, l'histoire de Lucho, c'est cette histoire de braquage hein, qui a pourri. Bah, le braquage, bah, c'est 4 mois et demi de jeu et puis 20 millions d'euros. Quoi. C'est quand même un sacré braquage. C'est comme Gignac à 18 millions d'euros. Là-bas, on appelle ça un OM jacking. C'est vraiment une plaie. Hein. L'OM jacking, c'est vraiment terrible. Pff. C'est la plaie du foot. Non, et puis bon, non, mais sinon, Lucho, bah, ça restera quand même Che Guevara et Comandante. Hein. C'est sympa comme comparaison, le Che, parce que c'est un mec qui a été exécuté en Bolivie à 39 ans. C'est quand même, ça fait rêver comme destin. Même si c'est vrai que Lucho, moi, j'ai entendu pour la première fois sa voix quand il a rendu hommage à l'OM. Hein. Sinon, moi, c'était plus proche de Bernardo dans Zorro que du Comandante. Hein. Mais bon, quoi. De toute façon, ça faisait longtemps qu'il commandait plus rien à part des sous. Déjà ? Bah oui. Et tu me coupes en plein milieu. Peut-être, c'est ce que j'ai envie de te lire. J'ai envie de te lire un truc très simple. Dis-le, Didier, à ma place. Parce Gilbert, que... nous emmerde pas. Voilà, c'est ça. Voilà, donc. Merci, merci Didier. Alors, du coup, on va finir en chanson. Ce truc. On va finir Paul, en chanson. Paul, tu peux me le remettre de ma part à Gilbert, s'il te plaît. Gilbert, nous emmerde pas. Olivier, demande-le toi, ça m'a tous droit à un coup. S'il te plaît, Paul. Gilbert, nous emmerde pas. Alors, une petite chanson pour rendre hommage à un joueur de l'Est, Nancy Lorraine, dont on parle peu, et c'est plutôt à juste titre. C'est le gardien. C'était une commande de Daniel. C'est Guy Ndia Sembe. Voilà, c'est pour lui. C'est parti. Yeah. Encore de la grande musique. J'ai commandé la musique, pas le gardien. Tu as débuté à la Genelière avec un petit crochet à nager serre, de l'or dans les gants, enfin du plomb plus souvent. Mais quand t'es à 10 derrière, c'est bien suffisant. Guy Ndia Sembe, il est si agile, c'est le king pour garder les buts de la Estancy. Guy Ndia Sembe, il est si agile, un grand camerounais, géant noir romain d'agile. Oh, gardien à Nancy, faut être balèze, surtout avec la tactique de Jean Fernandez. Quand on t'exécute 20 tirs par minute et que les 4 défenseurs sont derrière les buts, Guy Ndia Sembe, il est si agile, c'est le king pour garder les buts de la S Nancy. Guy Ndia Sembe, il est si agile, un grand camerounais, géant noir aux mains d'argile. Merci, bonsoir.